Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase. C'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase, et bien ça y est, c'est reparti pour un nouveau classement ce samedi 28 novembre. Soyez les bienvenus si vous venez nous rejoindre. Nouveau classement avec cette semaine, une fois de plus, pas mal de changements. On aura quelques bonnes petites nouveautés à vous proposer. Des petites nouveautés que vous nous avez faites sur Facebook, Flycase. Et puis également, peut-être un nouveau numéro 1. Je vous rappelle que la semaine dernière, c'était Damian Lazarus. En s'attendant encore question, réponse tout à l'heure aux alentours des 18h. En attendant, 3 entrées et 3 sorties. La sortie de 6 est Eduardo Castillo avec Sombra India. La sortie également de collectif Town Thrice avec Sorry I'm Late. Et enfin la troisième et dernière sortie, c'est Paul Kalkbrenner avec Cloud Raider. Numéro 20. Allez, on est parti d'attaque tout de suite avec la lanterne rouge cette semaine. Ça perd 3 places, Technosia et Green Velvet avec Suga, numéro 20. A spoonful.

bouger. Numéro 16. Ce titre, petite découverte Galaxy, l'instant c'est pointé numéro 16, le titre de Boris Gush et Purple Disco Machine avec Love, pointé numéro 17, Poor Broken Fitch avec Tears et pointé numéro 18 juste auparavant, c'est des Tiga et Ron Costa avec Audion, ça s'appelle Dancing. No sound of anything. washing up against the shore. Thank you. samedi, 14h-16h. Flycase. Numéro 14. Les 20 titres qu'on aime le tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 14, c'est ce qu'on vient de s'écouter à l'instant. Ça perd 4 places, Jenchra avec Carry On, le remix de Chopstick, John John, et numéro 15, Timothy Milton avec Tania Michel. Ça s'appelle Music Enemy et ça perd une place. Et puis on vous rappelle la grosse soirée, gros événement, c'est ce soir que ça se déroule. Ça se déroule à l'âge de à partir de 22h, la Galaxy Retro House Legends avec la nouvelle compil Galaxy. Vous pourrez vous acquérir là-bas carrément. Et oui, petite compil bien sympathique en 3 CD avec le t-shirt et la canette pour le prix de 20€. Ça a été revu à la baisse et tout, donc c'est tout bénef pour vous. Soirée exceptionnelle avec dans la main room Fifi, Franck Gatti, RVU, Nico Refresh, également Will Turner. Et dans la White Room, vous retrouverez Michael H, Jimmy, Chris Collins, Matt Le Matou, Arnaud, également Farai, Connie Donales, ainsi que Jimmy James, ainsi que John Sparks et DJ Sky. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ça se déroule là-bas. Et puis si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, eh bien sachez que vous pouvez vous connecter sur le site de Galaxy et on vous proposera les images. Bien évidemment, vous aurez l'occasion de vivre cette soirée en direct. Et ça, c'est absolument magnifique. Restez avec nous dans un petit instant. La suite du classement avec la 13e position, c'est Crader, Tom Snar avec le titre du Putra Madre qui va vous mettre un petit peu de soleil dans la radio. Flygates, les 20 indispensables sur Galaxy. Numéro 13. Thank you.

11. Excellent ce titre, hein. C'est le Flycase, c'est normal, hein. C'est de 16h à 18h, restez avec nous dans un tout petit instant, donc la suite de la musique. On parle du récapitulatif, tiens, tout de suite, des 10 premiers. Flycase numéro 20. Récapitulatif cette semaine, pointé numéro 20, ça perd 3 places, Technasia avec Green Velvet avec Sugar. Give me some milk, sugar, and a spoonful of yoga. Numéro 19. Côté numéro 19 cette semaine, le titre de Pop-Off Animal Enemy Going Back, c'est le remix de Oxy et Miss Kitting. Ça gagne une petite place. Numéro 18. Numéro 18, Tiga, c'est la première entrée. Il y en a 3 au total cette semaine. Tiga, Ron Costa et Onduon. Ça s'appelle Dancing Again, numéro 18. Numéro 17. Numéro 17, c'est la seconde entrée pour cette semaine. Les Prog & Fitch qui nous reviennent dans ce classement avec Tears. Numéro 16. Deux places de bio cette semaine. On adore ce titre. Boris De Gush, Purple Disco Machine avec Love. C'est pointé numéro 7 et ça gagne de 2 places. Numéro 16, c'est à vous de voter. Hein. Facebook Flycase. Numéro 15. Timothy Milton, c'est le grand retour dans ce classement avec le nouveau titre. Il est accompagné de Tania Michel, Music Enemy numéro 15. Ça perd une place. Hein. Numéro 14. Numéro 14, 4 places au moins pour Jen Shra. On adore ce titre également. Carry On, le remix de Chopstick et John John. Numéro 13, ambiance soleil dans la radio Crader, ça s'appelle Di Puta Madre. Numéro 13, ça gagne 2 places. Numéro la plus grosse gamelle pour cette semaine, Backer Matt avec Wendy Van Dark. C'est le remix de Oliver Dollar et Matthew Kahn, numéro 12. I have a dream that one day this nation will rise. Numéro 11. Et enfin le nom, ça perd de place cette semaine, on adore ce titre également. Philippe Georges, il avait cartonné avec son titre précédent. Il y a quelques mois de cela, c'est le nouveau, ça s'appelle Alone No More, numéro 11. Fly Keys, numéro 10. Allez, on est parti avec les 10 premiers cette semaine. Voici Paul Goldbrenner. C'est un album que l'on vous recommande si vous ne le possédez pas encore. Un petit cadeau à demander au Père Noël, pourquoi pas, pour être en dessous du sapin, ça fera joli. Autre chose également à demander au Père Noël, c'est la compil de Galaxy qui sort ce soir. Ce sera l'âge de zoo. On aura l'occasion de vous en reparler tout à l'heure. En attendant, numéro 10, Paul Goldbrenner. C'est de lui dont il s'agissait. Voici le nouveau, ça s'appelle Feed Your Head. Bon après-midi, il est 17h02. Numéro 9.

numéro 7. In a moment, in a feeling. but it's got a catch. Like a needle on the groove, and it plays me. You know I got to move, and then everything's going my way. Doesn't matter what happened before in the day. My feet fly, my eyes high, my soul about to catch on fire, and I find my dance, and it's like that. You know my dance, I like to do the cat. My dance, I like to do the cat. Oh, my dance, I like to do the cat. You wanna be a dog? Well, I'm the cat. You like to be a dog? Run the cat. And you better look out, or you're gonna get scratched. When I do the cat. Dance, I like to do the cat. You know my dance? I like to do the cat. I like to do the cat. I like to do the cat. I like to do the cat dance. I like to do the cat. Les meilleures entrées pour cette semaine, c'est positionné numéro 6 dans le classement du Flycase. Koyou et Carrie Golden, peut-être un futur numéro 1. C'est à vous de voter. Un Facebook Flycase, ça s'appelle The Cat, numéro 6, numéro 7, juste pour avant. De place au moins pour Bunch avec Praise the Lord. Et pointé numéro 8, Pelé avec Better for My Brain. Ça perd une petite place. Et puis on vous rappelle cette grosse soirée ce soir. Ça se déroule à l'âge de c'est avec Galaxy. Toute l'équipe de Galaxy sera au niveau des DJ, des animateurs. Vous pourrez retrouver tout le monde ce soir à partir de 22h. Galaxy Retro House Legend pour proposer sa nouvelle compile également. Vous aurez l'occasion de vous la procurer, la compile triple CD, un CD mixé, deux compiles avec les versions maxi également. C'est à vous procurer absolument à la Jezo au prix de 20€ avec un t-shirt et une canette ce soir en rendez-vous exceptionnel. Vous retrouvez des DJ dans la main room avec Fifi, Franck Biazzi, RVU, Dico Refresh, également Will Turner, et dans la white room il y aura Mike, Michael H, également Farai, Jimmy, Danny Conales Connie Donales, également Chris Collins, DJ Matt Lomet, Jet Sparks, Arnaud versus Wesley, ainsi que DJ Sky. Et si vous n'avez pas l'occasion de vous y rendre, eh bien écoutez ceci, ça pourrait vous intéresser. Ce samedi, Galaxy te propose la soirée Retro House Legend à l'âge de son Belgique. Si tu n'es pas en mesure de venir communier avec nous au rythme du meilleur de la rétro, alors c'est la rétro qui viendra à toi. Pendant tout l'événement, Galaxy te diffuse l'intégralité de la Retro House Legend 13 en audio et en vidéo sur internet. Pour en prendre plein les oreilles et plein les yeux, le live de la Galaxy Retro House Legend en direct et en vidéo, tape www.galaxyfm.com. Flycase avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 5. C'est des entrées la semaine dernière avec le titre Hush. Attention, j'ai une bonne nouvelle. On va s'écouter dans un instant la position numéro 4 avec Claude Van Struck. Et puis juste après, on aura l'occasion de jouer. On vient de nous le signaler. C'est Stéphane Wilson qui vient de nous signaler. On aura 5 entrées pour ce soir. 5 entrées gratos pour la Retro House Legend. Ça se déroule dans 3 minutes. À tout de suite. Flycase. Sur Galaxy. Numéro 4. Take. J'adore le clip, ça me fait toujours autant marrer ce titre-là. Claude Mansrock avec Make a Cake, c'est pointé numéro 4 cette semaine dans le classement du Flycase et ça perd 2 places. Alors attention, je vous avais annoncé cette grosse soirée Galaxy Retro House Legends. Ça se déroule ce soir à l'Ajezo. C'est à partir de 22h. C'est une soirée organisée par Galaxy et Stéphane Wilson. Il vient nous appeler Stéphane Wilson. Eh bien, on a 5 entrées tout de suite à vous offrir. Il n'y a plus de pré-vente là. Donc allez-y, c'est maintenant ou jamais. Ce sera également avec Matt Le Matou tout à l'heure, entre 18h et 19h. En attendant, 5 entrées. Allez-y, 03 20 83 57 57. La soirée Galaxy Retro House Legends. Soirée d'événements, évidemment, à l'Ajezo. C'est à partir de 22h. Les 20 titres indispensables. Flycase sur Galaxy. Numéro 3. She got an old man. Got an old man. Got an old man. Got an old man. Something straight. Pour me a taste of something good. Les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h. C'était la position numéro 2 avec Juge Tubenberger, avec Dizoui et puis N'appelez plus évidemment concernant le jeu. Il s'agit de Steven de Haubourdin, également Cécile de Fachuménil, François de Lens, Guillaume de Lincel et Steven de Haubourdin pour ces fameuses places ce soir de la Retro House Légende avec Galaxy. Il y aura encore des places tout à l'heure entre 18h et 19h avec Matt le Matou. Donc restez-nous fidèles. Ce sera les toutes dernières places. Il n'y a plus de prévente nulle part. Et ce sera sur place qu'il faudra les prendre. Évidemment, tout de suite, voici le petit récapitulatif des 10 premiers. Flycase, yeah. Flycase numéro 10. Côté numéro 10 cette semaine, le titre de Paul Kalkbrenner avec Feed Your Head, ça gagne 3 places. Numéro 9, Alexis, Raphaël, ça vous rappelle forcément quelque chose, l'époque de la rétro, peut-être un titre que vous entendrez ce soir, pourquoi pas, en version originale évidemment, Elder Skelters, numéro 9, ça perd 3 places. Numéro 8. Pointé numéro 8, Pelé et Shaun ici avec Better For My Brain, ça perd 1 place. Numéro 7 cette semaine, Butch, c'est le grand retour également avec un nouveau titre qui s'appelle Praise for Lord. C'est pointé numéro 7, ça perd 2 places. Numéro 6. Numéro 6, il fallait s'y attendre. Vous êtes nombreux à nous réclamer les références de ce titre. Le groupe s'appelle Koyu et Carrie Golden peut être un futur demain. En tous les cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. The Cat, pointé numéro 6. Numéro 5. Numéro 5, on adore ce titre, petite découverte Galaxy, vous êtes les seuls à l'entendre. Yonatos et Anaclab avec le titre Hush, c'est le remix de Bebeta. Ça gagne aussi place cette semaine. Ce sera très cher pour le numéro 1 la semaine prochaine. Hein. Numéro 4. Numéro 4, on adore toujours autant le clip, deux places de moins pour cet ex numéro 1, Claude Von Strock avec Make a Cake. Numéro 4. Numéro 3. Numéro 3, Massé au Plex, le grand tour également dans ce classement avec un nouveau titre, Wash Away My Tears. Ça gagne 5 places. Numéro 2. Et enfin, numéro 2, on vient de se l'écouter il y a quelques secondes, Juju Tubenberger avec Dizzery, ça gagne 1 place. Pas de changement par rapport à la semaine dernière, il fallait s'y attendre également, c'est l'un des petits cartons actuellement sur Galaxy. Damien Lazarus avec Vermilion. So much you wanted to hide yourself from being found. Crouch down on the desert floor with your ass plastered to the ground. You're used to being all by yourself and safe and sound. Soon the sun is gonna rise. You thought you were gonna die before blood on the sky. So sick of moving your body to a well-polished life. Well, I got something to move you. so it scars. And let your darkness disappear beneath the stars. Follow the hollow inside you, deciding who you are. The sky is near and vermilion when I'm. Numéro 1 cette semaine du classement du Flycase, tout comme la semaine dernière, c'était Damien Lazarus avec le titre Vermilion. C'est là-dessus qu'on va se quitter. On se fixe au rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h samedi prochain. N'oubliez pas de voter Facebook Flycase avec tout, toutes vos propositions. Évidemment, on écoute tout et puis on vous sélectionne tout. Et Matt Loatou qui court sur le parking, vous allez le retrouver dans quelques secondes. C'est bon, il est prêt. Il aura des invitations également pour vous offrir pour la Galaxy Retro House Legend. On vous attend nombreux, évidemment. Vu le nombre de présents qui ont été vendus, il y aura du monde ce soir. Ça va être le bordel, vu comment ça va plaire. Également côté téléphone, ça va être une soirée mémorable. N'oubliez pas, si vous ne savez y aller, vous pouvez toujours vous connecter sur le site de Galaxy, www.galaxyfm.com, et vous aurez la vidéo en live, évidemment. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Mettre le matou dans un instant.